Elie ni belle, ni vigira. Dorin Wimana et Pitas Naishimi assurent la mise en onde. Nous sommes le 27 juin 2019. Bienvenue à cette édition de la mi-journée. Donc voici d'abord les principaux titres. 21 milliards de francs burundais, voilà la somme dont a besoin la commission Vérité et Réconciliation pour mettre en œuvre son plan stratégique des trois prochaines années. Le président de cette commission, Pierre Claver-Andaï-Chelier, garde également espoir aux appuis financiers en provenance de l'étranger. Et suspension temporaire des activités de l'ONG étrangère et de l'ONG Adra Burundi. Vous allez entendre tout à l'heure le directeur pays d'Adra Burundi qui rassure les bénéficiaires et ses partenaires que cette ONG sous hiérarchie de l'église adventiste du 7e jour continue à travailler. Et vous allez également entendre en page de sécurité deux grenades, l'une défensive et l'autre offensive ont été découvertes ce mercredi dans les offrandes des haricots lors de la célébration de la messe. C'est en province, dans la paroisse catholique de Moussema. Nous sommes dans la commune de Butaganzo en province de Kayanza. Voilà pour les grands titres. Bonjour. Justice transitionnelle pour débuter cette édition. La commission Vérité et Réconciliation sévère en sigle a besoin de plus de 21 milliards de francs burundais pour mettre en application son plan stratégique et dans une période de ces trois prochaines années. Le président de cette commission l'a dit ce jeudi lors de la présentation de son plan stratégique, Pierre Claver-Andaï-Chelié, garde espoir en appui financier de la communauté internationale. Lorsqu'on négocie les financements pour appuyer les activités de la Sévère, il ne faut jamais répondre à la place du partenaire contacté. Il ne faut jamais répondre à la place du partenaire approché. La décision revient à ce partenaire, même les partenaires publics. Lorsque vous allez les approcher, le ministère des Finances, vous lui parlez, vous lui présentez les besoins, vous lui présentez les activités, il faut lui donner le temps de réfléchir. Parce que au niveau budgétaire, on fait toujours ce qu'on appelle les arbitrages budgétaires, autrement dit les décisions. Au niveau du gouvernement, vous savez qu'il y a un chantier important en 2020, ce sont les élections. On est en 2019, nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'il y a des activités qui peuvent être financées en 2019 avant 2020? Nous avons déjà introduit des requêtes de financement auprès du gouvernement pour notamment lancer ce que nous avons appelé la campagne nationale de collecte des données sur les personnes assassinées ou disparues et sur les fosses communes. Nous avons lancé un document que nous avons appelé le document de restitution pilote des personnes assassinées ou disparues. Il s'agit de traiter les données de la Sévère sortante pour aller les restituer à travers toutes les communes du pays. C'est un document budget que nous avons présenté au niveau du gouvernement. Maintenant, au niveau des partenaires techniques et financiers du Burundi, vous les avez vus dans la salle, ils viennent pour écouter le contenu de notre plan, la qualité de notre communication. Peut-être que certains parmi eux rentrent convaincus, mais eux aussi doivent faire un rapport à leur capital. Donc, et pour les pouvoirs publics nationaux, et pour les partenaires étrangers, il ne faut jamais répondre à leur place, parce que la décision revient à l'autorité souveraine de leur pays et dans le cas du Burundi, au niveau du gouvernement. Pierre Claver-Andaï-Chelié, le président de la commission Vérité et Réconciliation. Et le ministère de l'Intérieur menace de retirer l'agrément aux églises qui n'ont pas respecté la circulaire les invitant à mener leur culte dans des infrastructures confortables. Dans une réunion ordinaire organisée ce jeudi avec les responsables religieux, le ministre Pascal Balandeguié dit que son ministère compte effectuer des descentes sur terrain à partir du mois prochain de juillet. Quant aux églises qui louent des maisons, il les appelle à présenter un contrat de location de 10 ans. Cependant, il met en garde les églises qui mènent les cultes dans des cabarets. Suivez le ministre Pascal Balandeguié. Les représentants des églises sont avertis il y a de cela deux mois que les églises doivent être en matériaux durables. C'est donc aujourd'hui le moment à jamais pour effectuer des descentes de vérification à partir de la première semaine de juillet. Nous faisons les descentes. Et là où nous allons trouver les paillotes, nous allons les démolir. Nous avons demandé aux églises de procéder elles-mêmes à la démolition avant qu'on y arrive. Et à côté de cela, on va retirer l'agrément à l'église. Parce que il n'est pas du tout commode. Il est hors question que Dieu soit loué dans une paillote. Et ce qui est curieux, comme certains l'ont signalé, c'est que ces représentants des églises qui ont des paillotes roulent à bord de véhicules de grande valeur. Mais il leur est difficile de construire un lieu décent pour la bénédiction de Dieu. C'est une grande contradiction. Donc, nous allons commencer les descentes à partir du mois de juillet pour remettre les choses dans l'ordre. Il faut cesser cette anarchie. Cette fois-ci. Quant aux églises qui n'ont pas encore changé leurs organes, conformément à la loi fraîchement établie, le ministre Pascal Balandaguié les menace aussi de retrait d'agrément. Suivez encore une fois le ministre Balandaguié, il est ministre de l'Intérieur. Il a été signifié il y a de cela plus d'un mois que les églises doivent être dirigées par les Burundais. On s'était donné un délai d'un mois et ce délai a expiré. Cette fois-ci, il y en a qui ont déjà commencé à changer le leadership de leurs églises. Nous n'avons qu'à les féliciter. Pour ceux qui n'auront pas fait, nous avons demandé qu'une liste soit dressée. Nous allons d'abord, s'il le faut, suspendre l'agrément en attendant qu'il s'organise autrement. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Pascal Balandaguié, il est ministre de l'Intérieur de la formation patriotique. Après une courte pause, page sécurité au rendez-vous. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h04 dans l'audio de la radio Isanganiro, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org, mais également sur Facebook en live. Écrivez Isanganiro Burundi et n'oubliez pas de liker. Deux grenades, l'une défensive et l'autre offensive, ont été découvertes ce mercredi dans les offrandes des haricots. Lors de la célébration de la messe à la paroisse catholique de Moussema de la commune Butaganzwa, province Kayanza. Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, les fidèles qui ont apporté ces haricots n'ont pas été identifiés, mais que des enquêtes sont en cours. Entre-temps, poursuit Pierre Ngurikiye, ces grenades ont été remises au commissariat communal de Butaganzwa. Nous avons sorti cette note de service interne à l'attention de notre staff. C'est une note. Excusez-moi pour cette erreur au niveau technique. Je vous l'avais dit en titre, l'organisation Andra Burundi suspend temporairement ses activités dans une note de service à l'intention de son personnel. Datant de ce mercredi, la Direction nationale des représentations légales demande à ce personnel de remettre le matériel sensible à sa disposition. Sur ce, le directeur pays d'Andra Burundi rassure les bénéficiaires et ses partenaires que cette ONG sous hiérarchie de l'église adventiste du 7e jour continue à travailler. Joël Ngadingba précise que c'est recadrer le travail de cette ONG. Nous avons sorti cette note de service interne à l'attention de notre staff. C'est une note de routine comme toutes les organisations ont l'habitude de le faire. Nous avons la fête nationale qui est juste après le week-end. Les employés ont besoin de rejoindre leur famille. Mais il se passe qu'au niveau d'Adra, nous voulons aussi réorganiser l'organisation. Vous savez, nous avons des défis liés à notre gouvernance. C'est-à-dire notre propriétaire qui est l'église adventiste du 7e jour. Le président de l'église adventiste du 7e jour est le président du conseil d'administration d'ADRA. Et depuis le mois de novembre, nous n'avons pas un président du conseil d'administration. Et bien sûr que nous avons été affectés de plusieurs manières. Et nous sommes en train de voir, en collaboration avec nos différents partenaires, y compris le gouvernement et les bailleurs de fonds, comment continuer de fonctionner dans cet environnement pour que nos activités ne soient pas affectées. Il n'y a pas de fermeture d'Adra Burundi. Il n'y a pas de suspension ou d'arrêt d'activité. Nos activités continuent normalement, mais nous avons décidé de rappeler notre personnel parce qu'il s'agit d'un long week-end et aussi de pouvoir recadrer les activités en ces moments difficiles. La note circule déjà. Pour ceux avec qui vous travaillez, qui sont au Burundi, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Donc, vous rassurez, ce n'est pas une suspension des activités. Vous continuez à travailler sur le terrain burundi. Il faut dire que la note est une note interne qui ne devrait pas se retrouver dans les médias ou dans les réseaux sociaux, comme toutes les organisations le font. J'aimerais dire à l'attention de tous que les activités d'Adra Burundi jusqu'ici continuent normalement. Que les bénéficiaires soient rassurés, que nos partenaires en soient rassurés. S'il y a un changement matériel, un changement important qui affecte les activités d'Adra, nous allons l'informer de manière officielle, en commençant par les autorités gouvernementales et les autorités locales qui nous font confiance et avec qui nous travaillons de concert. Vous affirmez qu'il n'y a pas d'arrêt ou de suspension des activités, mais la note précise que vous interrompez temporairement les activités. N'est-ce pas, disons, une contradiction? Nous l'avons appelé ainsi parce que nous sommes en train de retirer notre staff du terrain, pour que ce soit clair pour tout le staff. Peut-être il faut dire suspension, mais j'ai l'impression que certaines personnes sont en train d'interpréter la suspension des activités comme un retrait total du terrain, mais ce n'est pas notre intention. Nous avons fait venir notre staff pour un recadrage et le moment venu, le staff va regagner leurs différents postes sur le terrain et ils ont d'ailleurs leur contrat intact. Nous n'avons suspendu aucun contact. Joël Nyanding-Ngba, qui s'entretenait avec notre consoeur Mireille Kanyang, il est directeur pays d'Adra Burundi. Et à page élevage, le marché du bétail de la commune Gachikanwa-Prince Ngozi souffre du problème de non-adduction d'eau, particulièrement côté abattoir. Le vétérinaire communal parle de solutions intermédiaires. Une association en charge de l'hygiène de cet abattoir puise l'eau des rivières, des marais environnant son marché, en attendant le début du projet d'adduction d'eau dans son marché Apollinaire Muzakara. Ce marché de bétail de Viegua, construit de façon moderne, totalise plus de 2 ans d'existence. Il est doté d'un bon abattoir et de latrines modernes, n'a pas jusqu'à présent pas d'eau. L'hygiène n'est pas satisfaisante à cause de cette absence d'eau selon le gestionnaire de cet abattoir. Provisoirement, les usagers de cet abattoir utilisent d'abord l'eau de pluie recueillie dans des puits construits à cet effet et pendant la saison estivale. L'association Tugiri Soukou, chargée de la propriété de cet endroit, puise de l'eau dans les mares, mais elle reste insuffisante pour faire convenablement l'hygiène, indique le conseil technique chargée de développement en commune Gachikan. Pamphile Ngurunziza tranquillise les usagers de son marché. La commune Gachikan est en train de tout faire en toquant ici et là pour que son marché soit alimenté en eau et en électricité. Il annonce à cet effet que la colline Maruri abritant son marché est déjà viabilisée pour faire partie de la superficie de la mairie d'Ongozi. De Viegua en province Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Quittons le nord du pays pour aller au sud. Les étudiants lauréats de l'université ICET, Institut supérieur de l'enseignement technique, nous sommes à Lumonge, au sud du Burundi, sont appelés à venir suivre une formation supplémentaire en vue de se conformer à la nouvelle ordonnance ministérielle d'avril 2019 relative à l'enseignement supérieur. La direction de cette institution universitaire explique que cela va de leur intérêt, mais les étudiants dénoncent une situation qu'ils qualifient de floue et demande au ministère concerné de fournir des éclaircissements. Toujours au sud du pays, encore cette fois, à l'école postée fondamentale de Chondi en commune Rutovu de la province Bururi, les cahiers contenant les points en éducation pour les élèves ont été volés dans la nuit de ce mardi à mercredi. Les auteurs du vol ne sont pas encore connus, mais le directeur de l'école avance l'hypothèse que ce soit des élèves. Ils ont défoncé la porte de la salle pour enseignants, selon toujours Ponsian Nungwanayo, qui précise que les enquêtes sont en cours. En attendant, la même autorité scolaire assure que les points en éducation seront bien attribués en référence à ceux des deux premiers trimestres. Et en page sportive, le Nigeria et l'Égypte sont les deux tout premiers pays à avoir décroché leur ticket pour la 8e de finale pour la CAN, qui se déroule en Égypte depuis le 21 juin. Ce pays organisateur, l'Égypte a battu hier la RDC 2-1. Le Nigeria a quant à lui battu la Guinée 1-0. Un troisième match qui a eu lieu ce mercredi a opposé le Zimbabwe à l'Ouganda et s'est soldé sur un score d'un but partout. 3 matchs sont au programme ce jeudi. Burundi-Madagascar, ce sera à 16h30, l'heure de Bujumbura, Sénégal-Algérie à 19h et à 22h.